pas blessé. Dans le profond moli qui aime mon sentiment. Pas tu n'as personne pour comprendre moduler. Mon fin senti moi piézé. Et dans mon quitté pas tu n'as personne pour comprendre le qui me chape vie. Mon fin donne toi tout mon amour. Mon lé qui avait tout ce qui lit tienna. Et pas fin connaît comment pour préserver. A celle là qui n'arrivait. Mon légué, mon épi, en vie pas d'assez. Mon vie, tu me préférera qui m'a vie pour la vie. A celle-là, te pédia qui te pousse en c'est quand vous dois mon épi et nanonye. A l'effet de la vie. Parce qu'il m'a aussi mon fin sans et crois-moi, mon n'a pas regret nanonye. Mon pari pose-toi nanonye. Mon visiste, comprends mon vie vivre. Si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rapides nous restent célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais préexisté, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rapides nous restent célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais préexisté, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rapides nous restent célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problème jamais préexisté, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rapides nous restent célibataires, comme ça nous vivons plus serrés. Problèmes à même exister. Il n'a beaucoup comme ça qui fait un homme de faiblesse l'amour. Après l'histoire du ciel de tout point. Je t'allais, je t'envole le tout bronze. Pauvre toi, c'est n'est-ce qui n'a mouré. Le peuple au poussé qui pas content toi. Je dis, mon vide pour mon bonheur. Et l'amour qui pira de mon la vie errée. Mon remercie, bon Dieu, pour ça. Parce que l'amour se douleur. Il fait souffrir, il fait pleurer. Il fait la tête fatiguée. Moi, mon Dieu, tout ça, la vie est arrêtée. Arrête, tiens, je t'aime d'imposter. Arrête-moi l'amour pour nous faire. Parce qu'il a oué na en bon Dieu qui poussise, tu te baisses. Tu connais qui toi en danser. Pour tout ça, pas de mécaire qui te ne casser. Si c'est ça qui doit faire l'amour, les rap qui nous restent célibataires, comme ça nous vivons plus serré. Problème jamais préexister. Si c'est ça qui doit faire l'amour. Qui nous reste célibataire, pour ça nous vivons serré. Problème jamais existé, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous reste célibataire, pour ça nous vivons serré. Problème jamais existé, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous reste célibataire, pour ça nous vivons serré. Problème jamais existé, si c'est ça qui doit faire l'amour. Les rap qui nous reste